Today, 9th of June, year 2017. So our yogi, all the whole day, try observe, study, research how it is our mental and physical phenomena, they are working together. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2017. Les yogis s'efforcent, comme les jours qui ont précédé, d'observer pendant toute la journée tout ce qui se passe en eux. Ils font une véritable recherche à propos des phénomènes physiques et mentaux qui les constituent. Ils développent leur puissance d'observation, appelée jhana en pali. Aujourd'hui, je vais parler des jhana et des nivarana. Voyons ce que c'est que jhana. C'est un mot pali qui veut donc dire puissance d'observation. C'est le chemin de la concentration, me direz-vous. Mais en réalité, il y a deux sortes de jhana. La concentration est toujours nécessaire lorsqu'on médite. Il y a donc la concentration, les jhana normaux, pourrait-on dire, et il y a les jhana de vipassana. Ce qui les différencie, c'est l'objet. Pour ce qui est de la concentration normale, le jhana normal, elle se base sur le concept. On va focaliser l'esprit sur un concept. Dans les Écritures, il est fait mention de 40 sortes de méditation sur les concepts. Il y a donc 40 sortes de méditation samatha, les méditations qui mènent au jhana de samatha. Mais ici, nous ne pratiquons pas samatha, nous pratiquons vipassana. Parfois, le méditant aura de la difficulté au cours de sa pratique de vipassana. Les objets ne lui apparaissent pas très clairement, son esprit est engourdi. À ce moment-là, il peut utiliser les jhana de samatha pour développer sa concentration. Il y a la contemplation des vertus du Bouddha, Buddha Nusati. Il y a la pratique de Metta Bhavana, le rayonnement de l'amour bienveillant. La pratique de Asubha Bhavana, se concentrer sur les aspects répugnants du corps. Et enfin Marana Sati, l'attention au caractère inévitable de la mort. Ces quatre pratiques appartiennent à Samatha. Ce sont des samatha bhavana, des méditations samatha qui mènent donc au jhana de samatha. On se concentre en fait sur un concept. Lorsqu'on pratique Buddha Nusati, le concept, ce sont les vertus du Bouddha. Pour metta, c'est la totalité des êtres vivants. On leur souhaite d'être libres de la souffrance physique, libres de la souffrance mentale. Pour ce qui est de Asubha bhavana, on se concentre sur le caractère dégoûtant du corps, sur l'impureté du corps. Cette méditation permet de diminuer l'attachement au corps. Et Maranasati, l'attention au caractère inévitable de la mort, on se concentre là sur la mort. Ces quatre méditations appartiennent donc à Samatha Bhavana. Mais elles se sont cependant très bonnes, très utiles, lorsqu'on pratique Vipassana, car elles en sont un complément, elles vont nous protéger tout au long de notre cheminement Vipassana. Ces deux méditations vont amener des bénéfices différents. La pratique de Samatha Bhavana, est en réalité plus facile que la pratique de Vipassana. Tout simplement parce que dans Samatha, on ne cherche pas à comprendre. On se contente de se concentrer sur l'objet, de s'absorber dans l'objet. Une fois que l'esprit sera absorbé dans l'objet, il va se calmer et ceci se réalise assez facilement. Un esprit calme expérimente la paix, le bonheur. Le but est également différent. Lorsqu'on pratique Samatha, et qu'on cherche donc à atteindre les jhanas de samatha, on va pouvoir les réaliser successivement par cinq niveaux. Les progrès, lorsqu'on pratique Samatha Bhavana, seront également progressifs. Le méditant va donc s'entraîner. S'il est habile et qu'il devient un expert dans cette méditation, il va finalement pouvoir atteindre les plans de Brahma. Dans ces plans de Brahma, il y a également cinq niveaux. Le but, c'est donc pour Samatha Bhavana d'atteindre les plans de Brahma. Dans ces plans, la vie est extrêmement longue, mais finalement, la personne devra malgré tout reprendre naissance dans un autre plan. Elle ne s'est pas encore libérée du samsara, ce qui veut dire qu'elle devra encore reprendre naissance, tomber malade, vieillir et mourir. La personne donc qui pratique Samatha et qui atteint les jhanas de Samatha, et tout particulièrement le cinquième jhana, va également acquérir certains pouvoirs supranormaux. Il pourra par exemple lire l'esprit des autres, les pensées des autres. Mais tous ces pouvoirs vont amener un développement de son ego. L'orgueil va très fort se développer chez ces personnes. Et ces personnes ne se seront en plus pas débarrassées des impuretés mentales. Le but final dans Vipassana, c'est d'atteindre la cessation de la souffrance, autrement dit Nibbana. Le méditant Vipassana va donc s'efforcer de rester toujours attentif et ainsi de se débarrasser à chaque moment d'attention des pollutions mentales. Lorsqu'on pratique Samatha, on réalise également une espèce de paix de l'esprit, mais c'est temporaire. Et le méditant Vipassana, qui poursuit son entraînement et qui atteint Magga et Phala, le chemin et le fruit, aura réussi à se débarrasser complètement des pollutions mentales. Ceci sera progressif. Toutes les méditations permettent de se libérer temporairement des pollutions mentales. Le méditant dirige son attention vers l'objet, par exemple les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il maintient son attention sur ces deux mouvements sans interruption, de façon continue. Il note constamment. Et s'il réussit à faire cela pendant ne fût-ce que 10 minutes, qu'il observe de façon continue, sans interruption, ses mouvements pendant 10 minutes, cela veut dire que son esprit reste sur cet objet pendant 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, l'esprit est donc libre des impuretés, des pollutions mentales, car il est monopolisé par les mouvements de l'abdomen. Rien d'autre ne peut le pénétrer. C'est donc de cette façon que par la concentration, on peut se libérer temporairement des pollutions mentales. On les maintient à distance, mais ce n'est pas une véritable éradication. Car après la méditation, lorsqu'on arrête de méditer, l'esprit retrouve toute son agitation et les pollutions mentales vont l'envahir de nouveau. Samatha ne peut donc amener qu'une libération temporaire des pollutions mentales. Mais par vipassana, et surtout si on atteint le chemin et le fruit, les pollutions mentales seront éradiquées de façon définitive. La méditation vipassana est basée sur sati, l'attention, et panya, la sagesse. Ces deux facteurs sont cruciaux dans la méditation vipassana. À chaque instant, le yogi vipassana observe ce qui se passe dans la réalité, au niveau de la réalité. Il observe avec attention et avec compréhension. À chaque instant, il est concentré sur l'objet qui se manifeste et il voit qu'il y a beaucoup d'objets qui se manifestent et que ce flux ne s'arrête jamais. Les objets changent constamment. Toute concentration est basée sur certains facteurs. On les appelle les facteurs jhaniques. Les cinq facteurs jhaniques sont vitaka, vichara, piti, sukha et kagata. Vitaka, c'est donc le premier facteur djhanique, c'est l'application initiale de l'esprit à l'objet. Vous êtes occupé à méditer et à chaque instant, vous faites l'effort de diriger votre esprit vers l'objet, de l'appliquer à l'objet. Si vous avez l'attention, vous n'oublierez pas d'appliquer votre esprit à l'objet qui se manifeste. Le deuxième facteur dhyanique, c'est vichara, c'est le maintien de l'esprit sur l'objet, l'application soutenue de l'esprit à l'objet. L'esprit ne vagabonde pas, ne s'échappe pas, il est maintenu sur l'objet, il est très stable sur l'objet. On peut comparer cela à un aigle qui voudrait prendre son envol. L'aigle doit commencer par, qui est au sol, doit commencer par accélérer sa vitesse pour s'envoler. C'est Vitaka, le premier facteur dhyanique, l'application de l'esprit à l'objet. Il va ensuite atteindre une certaine hauteur et là, il va planer dans le ciel. Il ouvre ses ailes et se maintient ainsi dans le ciel. Ceci, c'est Vichara. Vitaka et Vichara sont donc d'abord l'application de l'esprit à l'objet et ensuite le maintien de cet esprit sur l'objet. Si Vitaka et Vichara fonctionnent bien, fonctionnent en harmonie, le méditant sera satisfait de sa pratique. Cette satisfaction va amener la joie que l'on appelle piti en pali. De nouveau, on peut illustrer ceci par l'image de quelqu'un qui jouerait aux billes. Il envoie sa bille vers la cible et sa bille touche la cible. Il est content, il est satisfait et la joie se manifeste en lui. Chaque fois que son esprit atteint la cible en méditation, le méditant se sentira heureux, satisfait de sa pratique et la joie, piti, va se manifester. Son esprit va alors devenir calme. Piti, c'est donc le troisième facteur dhyanique après vitaka et vichara. Piti, la joie, peut fermer la porte à l'agitation et aux pensées. Le méditant se sent paisible, calmé, et à un moment, il va ressentir le bonheur, sukha. Il se sent très calme, très tranquille et heureux. Toutes les méditations peuvent mener à ces buts. L'esprit doit rester sur l'objet, s'y maintenir sans interruption, de façon à ce que la concentration se développe. Lorsque la concentration sera devenue forte, l'esprit va expérimenter de plus en plus de paix, il sera de plus en plus satisfait, heureux, il va expérimenter sukha, le bonheur. Il sera alors très stable. Après sukha vient ekagata. Ekagata, c'est le cinquième facteur dhyanique. C'est la fixité de l'esprit sur un seul objet. À ce stade, la concentration est très forte. Donc, le méditant va finalement expérimenter le cinquième facteur dhyanique appelé en pali ekagata. C'est un bonheur qui est neutre. Il ne peut pas être comparé au bonheur ordinaire. C'est le bonheur de l'équanimité. Il est beaucoup plus doux et beaucoup plus subtil que le bonheur ordinaire. La sensation de bonheur peut s'expérimenter assez facilement par les six portes sensorielles. Lorsqu'on voit quelque chose de beau, qu'on entend de jolis sons, qu'on goûte de bonnes saveurs, etc., on expérimente le bonheur, mais c'est un bonheur qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. On pourrait dire que c'est un bonheur normal et il est relativement facile à obtenir. Mais le bonheur de l'équanimité, c'est différent. Il ne s'enracine pas dans les contacts sensoriels. Essayons d'illustrer cela de la façon suivante. Quelqu'un rentre du travail, il est très fatigué, il a eu une journée difficile. On lui propose de manger, il n'a pas envie. De regarder un spectacle, il n'a pas envie. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de se reposer. Il va donc s'allonger et s'endort. Il se réveille parfaitement frais et plein d'énergie. Il est très heureux. Pourtant, il n'a rien fait pendant son sommeil. Il n'était conscient de rien. Son sommeil était profond, mais au réveil, il se sent parfaitement heureux. Ce bonheur qu'il expérimente alors peut être comparé au bonheur de l'équanimité. C'est un bonheur qui ne s'enracine pas dans des plaisirs sensuels. Si cette personne se met à manger de bons plats, écouter de jolies musiques, etc., il va expérimenter le premier type de bonheur, le bonheur normal, celui qui s'enracine dans les plaisirs sensuels. Le bonheur de l'équanimité, c'est donc un bonheur beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux, que l'on appelle en pali Ekagata. Mais l'équanimité que le méditant est susceptible d'expérimenter est encore beaucoup plus forte et beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus appréciable que le sommeil. Du temps du Bouddha, il y avait beaucoup d'arahants qui ne dormaient plus. Pendant 30 ans, ces gens ne s'allongeaient jamais. On peut pratiquer dans quatre postures, la posture assise, la posture en marche, la posture debout et la posture allongée. Mais ces arahants ne dormaient plus, ne s'allongeaient plus jamais. Et ceci, non pas pendant une nuit, pendant une semaine ou un mois, mais pendant des années. Les grands disciples du Bouddha, Moggallana et Sariputta, ne s'étaient plus allongés pendant 30 ans. On peut se demander si c'est possible. Mais un méditant qui a développé sa pratique comprend qu'effectivement c'est possible. Tout simplement parce que s'il expérimente l'équanimité, il comprend que cette équanimité, qui est donc un bonheur qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels, est de bien meilleure qualité que le bonheur que peut amener un sommeil profond. Mais s'il atteint l'équanimité, ce méditant n'a pas encore atteint Magga et Phala. Il n'a pas encore réalisé Nirodha, la cessation de la souffrance. S'il réalise ces choses, l'expérience qu'il fera sera encore beaucoup plus forte et beaucoup plus profonde. Le bonheur qu'il expérimente alors ne s'enracine plus du tout dans les plaisirs sensuels. Cela vaut beaucoup mieux que de dormir, et on peut le faire pendant 40 ans, tout simplement parce que on apprécie beaucoup plus ce bonheur-là. Il y a donc ces facteurs jhaniques, vitaka, vichara, piti, sukha, Ekagata, mais lorsqu'on pratique la concentration pure, l'attention et la sagesse, sati et panya, ne sont pas associés. Par contre, lorsqu'on pratique vipassana, ces cinq facteurs seront présents, mais en plus, il y aura sati et panya. Le méditant vipassana, lorsque son esprit, lorsqu'il a réalisé les facteurs jhaniques, comprend en plus, en profondeur et très clairement. Cette compréhension va lui permettre de se débarrasser de toutes les pollutions mentales. Il y a donc les cinq facteurs jhaniques dont nous venons de parler, et de l'autre côté, il y a les cinq empêchements, les cinq nivaranas. Il faut savoir que les cinq facteurs jhaniques sont les antidotes des cinq nivaranas, des cinq empêchements. À chaque empêchement correspond un antidote, autrement dit un des cinq facteurs jhaniques. Mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui de parler de tout cela, nous en parlerons demain. We stop here. May you all be able to overcome all the nivarana and developing the jhanic factor with the sati and panya reach to the lakkhanupajjhana, to the free from all suffering. Sa-sa.